Yes, c'était bien entendu Maiden pour débuter Overdrive avec ce morceau culte parmi des morceaux cultes, bien entendu Ace's Eye avec le Churchill Split, extrait du Live After Death. Donc ce soir dans Overdrive, restez bien dans votre rocking chair, derrière votre tuner, puisqu'on aura de l'excellente musique et on aura également la chance d'annoncer le concert de Iron Maiden du côté de Lyon. On n'a pas vu ça depuis les années 90, donc Maiden à Lyon, ce sera le 28 juin prochain au stade Groupama Stadium de Décines-Charpieux. Donc je crois que ça tombe un dimanche soir. Les places seront en vente dans une petite semaine, je crois que ce sera le 26, vendredi prochain. Donc à mon avis, il va falloir jouer des coudes pour essayer de rafler un précieux sésame. Donc Maiden, ce sera fin juin du côté du stade de Décines-Charpieux à Lyon. Voilà qui devrait faire plaisir. Il continue sur la tournée Run For Your Lives, où il joue en intégralité des morceaux du début de carrière, c'est-à-dire jusqu'au départ de Dickinson, juste après l'album Fear of the Dark de 1980 à 1992. Et bien entendu, là, on a là une avalanche de classiques, rien de moins. Donc restez bien dans Overdrive, on aura de l'excellente musique ce soir, on aura également des éléments peut-être un peu plus tristes avec une revue un petit peu nécrologique avec le décès de Thomas Lindbergh, ancien At The Gates, qui est décédé cette semaine à l'âge de 52 ans. Il souffrait depuis un moment d'un cancer, il l'avait annoncé il y a quelques mois, et malheureusement, il s'en est pas tiré. Donc, on reviendra à des choses un petit peu plus morbides plus tard, puisque là, on continue avec le joyeux drill de Danko Jones, Every Day is a Saturday Night, sur Overdrive, Radio Duo, le Canadien énervé, hard rock qui mélange à la fois le hard rock et le punk rock, nous revient avec ce Leo Rising qui verra le jour sur le mois de novembre. Every Day is a Saturday Night, tout de suite par Danko Jones. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. This is the level that I'm working at. It's what happens when you talk, talk, hot, right? I'm rolling undefeated. To get to this feeling, you gotta mean it. Don't tease it, you must believe it to be it, and you will. And that's the way it should be. If you want it, you take it. Don't be intimidated, 'cause nobody here knows that you're so underestimated. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. Welcome to stay home and regret it. I don't got time for complaining. What I need is to maintain. I got a lot on my plate and I don't need the berating. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. Saturday night. I say Mondays are my Fridays, Tuesdays are my birthday. destiny awaits in the world of broken dreams. I want you silence now, how the threats will decay, will you rise and fade away? Oh, and never goodbye. No, I, no, I will never be free in the eye of the oracle. Yes, excellent que ce Crown avec ce The Eye of the Oracle, Eye of the Oracle sorti sur le label Frontiers Records avec leur dernier album qui est paru au début du mois de septembre. Ce sera extrait de cet album Wonderland. Tout de suite par le groupe Crown. Il me semble qu'on les avait vus il y a de ça quelques années du côté de Lyon en première partie de Night Flight Orchestra. Maintenant, après Crown, j'ai calé le retour du chanteur Mike Tramp. Mike Tramp, bien entendu, ancien chanteur de White Lion, aux côtés du guitariste, de l'excellentissime guitariste Vito Bratta. Et ce Mike Tramp rend encore une fois hommage à son ancien groupe avec Songs of White Lion, non pas un, non pas deux, mais volume 3, donc ça avait fait quand même 3 albums complets de réenregistrement de morceaux de son back catalogue avec son groupe qu'il a bien entendu fait connaître au milieu des années 80 plutôt, avant que on va dire leur carrière s'arrête au milieu des années 90. J'ai extrait un extrait d'un morceau qui était originellement tiré de leur album Main Attraction, et avec ce morceau War Song qui est peut-être assez heavy pour ce groupe qui était plutôt FM à la base, et ce sera bien entendu Mike Tramp, ancien chanteur de White Lion, qui rend ici hommage à son ancien groupe avec War Song sur Overdrive Radio Duo. I got experience from war, where you didn't know what he was fighting for. The streets remained the same, but all the people changed. All the medals on his chest, they didn't mean a thing. A teardrop from the corner. Vous venez d'entendre le groupe Health Machine, Health Machine avec cet album New Blood paru sur MNO Music pour un morceau qui me paraît assez proche d'un certain Lee Sin Chenz. Je retrouve un petit peu des influences de Lane Stanley dans la voix. On va continuer maintenant avec du hard rock, cette fois danois, avec Stargazer, produit par le guitariste de Glenn Hughes, Soren Anderson, qu'on a vu également dans le projet Electric Guitars. Ce sera Looking for a Star par ce groupe Stargazer. Stargazer, encore une fois, du bon métal, on va dire, mélodique, toujours sur Overdrive. Il est maintenant 22h passé de 5 minutes sur Radio Duo. Et on va continuer avec le groupe Helen, qui nous sort 5 titres avec 3 morceau enregistré sur le festival Masters of Rock. Il s'agit d'un festival qui se situe dans l'Allemagne, enfin plutôt l'Europe de l'Est. Et on commence tout de suite avec un morceau, cette fois inédit, We Stand United. We Stand United qui est un titre cette fois studio, le seul de ce mini-album qu'on va diffuser tout de suite par le groupe Helen, cette fois pour les amateurs de métal, on va dire, à tendance un petit peu symphonique. Tout de suite sur Overdrive. Yes, vous venez d'entendre Hélène tout de suite avec We Stand United et on continue maintenant au français Perle qui s'écrit P-E avec un tréma R-L qui nous sort cet album Architecture du Vertige pour les amateurs, on va dire, de musique à ambiance qui navigue entre le post-metal et même la musique à tendance relativement pop également et éthérée. Ce sera une petite reprise de Solstafir pour un morceau que j'adore, que j'ai envie de diffuser. Ou alors, on va faire une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans Overdrive, c'est changer un petit peu l'ordre des morceaux, puisque ce morceau Fiera, on va se le réserver en fin d'émission pour conclure l'émission ce soir. Et ce sera le morceau qui ouvre l'album Au Royaume des Songes qu'on va diffuser tout de suite. Par le groupe Perle. Sous-titrage Société Radio-Canada. Yes, voilà pour le groupe Pearl, tout de suite sur Overdrive Radio Duo pour cet album. Cet album, on va dire tout en nuance, comme on l'a dit, il y a une petite surprise avec la reprise de Solstafir. J'adore ce morceau, Solstafir, on se le réserve pour la fin d'émission. Donc restez bien calés derrière votre tuner, dans votre rocking chair, comme j'ai l'habitude de le dire dans Overdrive. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure avec... maintenant, le groupe At The Gates. On a perdu Thomas Lindberg en début de semaine, 52 ans. Il était malade, atteint d'un cancer depuis maintenant quelques temps. Et c'est pour ça que le groupe n'avait pas fait beaucoup de tournées, n'avait pas été très actif après la sortie de leur dernier album en date, The Nightmares of Being, un album sur lequel ils avaient décidé de faire évoluer un petit peu leur son de death metal suédois. Et donc, que dire de ce monsieur, vraiment une des grandes voix du death metal suédois. Et je crois qu'il est parti rejoindre son pote de LG Petrov, de bien entendu Entombed, là aussi décédé d'un cancer il y a de ça tout juste quelques années. Bien entendu, on l'a connu dans At The Gates, mais également dans d'autres projets, Lurking Fear ou alors Lock Up. Il avait même chanté sur cet album que j'ai ressorti un petit peu des archives, Night Rage, premier album de Night Rage. On retrouve bien entendu ce guitariste grec, Marius Iliopoulos, qui est, on va dire, le compositeur principal de ce groupe de death metal fondé en Suède. On retrouve Gugge, bien entendu grec là aussi, mais qui a fait sa carrière en Suède à la guitare lead. Et on retrouve deux chanteurs. Donc on retrouve Thomas Lindberg, comme je le disais, et également le chanteur de Evergrey, Tom S. Englund, donc un pour les voix death et l'autre pour les voix claires. Néanmoins, avant de diffuser du Night Rage, il s'agira du classique parmi les classiques du death metal suédois. Il s'agit de At The Gate Slaughter of the Soul, vraiment une pierre angulaire du style. Et puis le dernier album avant leur séparation au milieu des années 90, avant qu'ils reviennent aux alentours de 2012, et qui nous assème de trois excellents albums, At War With Reality, To Drink From The Night Itself et The Nightmare Of Being, que recommande grandement. Donc ce sera le morceau Under a Serpent Sun qu'on va diffuser tout de suite par le groupe At The Gates, avant de trinquer bien entendu pour ce père Thomas Lindberg. Voilà pour le groupe Night Rage. Night Rage avec son premier album qui était paru au début des années 2000, Sweet Vengeance, aux alentours de 2003. Encore une fois, un superbe line-up. Et puis, bien entendu, un hommage à ce regretté Thomas Lindbergh qui, à mon sens, avait encore une fois beaucoup de choses à nous apporter d'un point de vue de sa carrière musicale, sans parler, bien entendu, de son héritage et de la scène. De la scène death metal suédoise qu'il a contribué à mettre en avant telle qu'on la connaît de nos jours. Paradise Lost nous revient avec un dernier album, ça s'appelle Ascension, ça vient de voir le jour sur Nuclear Blast. Le groupe sera du côté du Transborder de Lyon au mois de octobre avec Mesa en première partie, et ça devrait être une bonne soirée, bien entendu. L'album est très bon. Ce sera le 18 octobre prochain du côté de du Transborder de Lyon. Vous retrouverez Paradise Lost avec ce Sanction suivi et également Mesa. Donc j'ai décidé de passer le morceau qui s'appelle Tyrant Sanctuary, qui est plutôt, on va dire, représentatif de cet album, puisqu'on a ici une certaine lourdeur telle que les Anglais savent la pratiquer, avec différents types de voix extraites de cet album. Pour ce groupe, vraiment toujours, la plupart du temps en tout cas, inspiré, qui est revenu sur le devant de la scène et qui nous avait en 2020 sorti un excellent album avec Obsidian. Il s'agit de Tyrant Serenade par Paradise Lost. D'entendre le groupe HN tout de suite avec ce morceau Crystal Tears pour les amateurs de Metalcore, toujours sur Overdrive Radio Duo et cet album donc de groupe HN. On continue maintenant dans Overdrive avec Sinsanum groupe de Fred Leclerc, bien entendu, qui tient la basse maintenant dans Creator. Également, on a ici, bien entendu, le père Stéphane Buriez qui est présent depuis le début du groupe. Et également, on pense au regretté Joey Jordison, ancien batteur de Slipknot, qui était batteur également du groupe jusqu'à son décès il y a ça 2-3 ans. Ils viennent de sortir ici un nouvel album qui s'appelle In Devastation, qu'on envoie tout de suite avec le morceau Shades of Black. Thank you. Insanum avec In Devastation, son dernier album, et le morceau Shades of Black. On continue maintenant dans le death metal à tendance cette fois un peu nordique et également mélodique. Wolfheart nous revient avec son dernier mini album. On s'envoie tout de suite le morceau sans transition. Ça s'appelle For Favor, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, excellent que ce Wolf Heart tout de suite dans Overdrive. Et on vient tout doucement sur quasiment la fin de l'émission. Et on ne va pas terminer Overdrive sans de la musique extrême. Sigillo Luxuria de Lilith tout de suite avec ce Preliminary Invocation tout de suite pour les amateurs de black metal, du métal qu'il y a le plus noir sur Overdrive, Radio Duo. Ce sera le groupe Sigillo Luxuria tout de suite. Encore une fois, Preliminary Invocation. We'll be right back. Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 du Dio pour 90 minutes de musique qui pulse. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdriveradiodio. On rappelle également la date du 4 octobre prochain du côté de Montbrison. Il y aura la première date de Purple Comet avec le groupe Ashed Winter ainsi que From the Ashes, dans lequel j'officie à la guitare. On retrouvera également le 3 octobre prochain Death Awaits du côté du Field de Saint-Etienne. Donc de quoi faire. On se quitte au son de Fiera par le groupe Pearl pour cette reprise de Sol tout à fier. Merci, ciao, bye bye. Aujourd'hui la vie ne fait que passer. J'aurais beau l'emporter cette fois, la mort restera mon chemin. Mon instinct va là où tout se noie. Je suis sur l'autre rive enfin. De soleil, de lune, mon cœur fut hanté. Brisé, sourire figé. Les larmes sur mon cœur asséchées. De soleil, de lune. Je suis